بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours concernant les règles spécifiques aux femmes, notamment ici le sujet des ablutions, le sujet donc des menstrues, des lochies et des métrorragies. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullahu ta'ala, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, al-istihadatu wa ahkamuha, la métrorragie ainsi que leurs règles. Leur jugement. Al-istihadah. Fayalanu ad-dam fi ghayri waqtihi ala sabil an-nazif min 'irqin yusamma al-'adil. Et donc les métrorragies, c'est donc une coulée de sang à un autre moment que durant les menstrues. Une coulée de sang à un autre moment que durant les menstrues, durant une autre période que celle des menstrues, sous la forme d'une hémorragie provenant d'une voie sanguine appelée en arabe el-azil, concernant la traduction de cette voie sanguine, inshallah ta'ala, je vais faire plus de recherches, notamment chez les scientifiques, afin de pouvoir donner le nom correct par rapport à la traduction de ce terme en français. El-Azil. Alors il nous dit le Cheikh, wal mustahadatu amruha mushkilun lijtibahi damil hayd bidamil istihada. Et la femme qui est touchée par les métrorragies, son affaire est problématique, à cause du fait que le sang des menstrues ressemble au sang des métrorragies. Et donc les deux sont proches, c'est-à-dire que c'est du sang. Mais en réalité, barakallahu fikoum, le sang des menstrues a des caractéristiques spécifiques et propres à lui-même, comme l'odeur. Le sang des menstrues a une odeur spécifique, une couleur aussi spécifique, car le sang des menstrues tourne vers le noir. Et le sang des menstrues va être aussi épais. فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة. Et donc le cheikh il nous dit, et donc si le sang coule de manière continue ou donc la plupart du temps, alors qu'est-ce que la femme va donc prendre en compte pour définir ses menstrues, et qu'est-ce qu'elle va prendre en compte pour, qu'est-ce qu'elle va tenir, qu'est-ce qu'elle va juger comme étant donc le sang des métrorragies et non le sang des menstrues, et qu'à ce moment-là donc elle ne va pas délaisser le jeûne et la prière, elle va continuer à prier. Comment la femme elle fait tout simplement? فإن المستحاضة يعتبر أو يعتبر لها أحكام أو أحكام الطاهرة. Et donc certes, la femme qui est touchée par les métrorragies, et donc cette femme-là, elle va être liée aux règles, au même jugement que les femmes qui sont pures. Elle est considérée comme étant pure, la femme qui est touchée par les métrorragies. Donc elle ne délaisse pas la prière ni le jeûne. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكِ فَإِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَهَ ثَلَاثُ حَالَاتٍ. Et en nous basant sur cela, alors il faut savoir que la femme touchée par les métrorragies va être concernée par trois cas. أَنْ تَكُونَ لَهَ, donc الْحَالَةُ الْأُولَى, la première situation, le premier cas. أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه فتعرف عددها ووقتها. Donc première situation, c'est le fait que la femme ait donc des menstrues connues et régulières. Elle avait cela avant même d'avoir été touchée par la métrorragie. De telle sorte que la femme, avant d'avoir été touchée par les métrorragies, elle avait des menstrues qui duraient 5 ou 8 jours, par exemple, en début du mois ou au milieu du mois, par exemple. Et donc, elle sait, elle connaît la durée de ses menstrues, ces 5 ou 8 jours, et elle connaît le temps, le moment, c'est en début du mois ou en fin du mois. فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك Et donc cette femme, la femme qui est dans cette situation, qui connaît la durée de ses menstrues, ainsi que la période, elle avait déjà cette habitude avant. Alors cette femme, elle va donc se considérer comme ayant ses menstrues durant cette même durée de temps et cette même période de temps. Et pendant ce moment-là, donc elle va délaisser la prière et le jeûne, elle va se considérer comme étant menstruée. Et lorsque cette période sera terminée, cette période qui était déjà connue auparavant, lorsqu'elle sera terminée, alors cette femme-là va se laver, va faire la douche rituelle, et ensuite elle va donc pouvoir prier, et elle va considérer donc que le sang qui continue de couler, puisqu'elle a des métrorragies, et donc le sang continue de couler, elle considère le sang qui continue de couler comme étant du sang lié aux métrorragies, mais ça n'empêche pas de prier. Et ceci en se basant sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à Ummi Habiba, donc, Umm kuthi qadra ma kanat tahbisuki haydatuk. Et donc, tu t'abstiens, c'est-à-dire tu t'abstiens de prier, tu attends, donc, durant une période qui est semblable, similaire à celle durant laquelle tes menstrues t'empêchaient de prier et de jeûner. Summartasili wasalli. Puis, après cela, lorsque cette période est terminée, tu fais la douche rituelle et tu pries, rapporté par Muslim. Le cheikh, il cite ensuite un deuxième hadith, wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, li Fatimata binti Abi Jahsh, innama zalika irqun, wa laysa bihaydin, fa idha aqbalat haydatuk, فَدَعِ الصَّلَاتِ مُتَّفَكُنْ عَلَيْهِ. Et donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Fatima bint Abi Jahsh, lorsqu'il dit, certes ceci donc vient d'une veine, mais ce ne sont pas donc ce n'est pas le sang des menstrues, ce ne sont pas les menstrues. Et donc lorsque ta période de menstruation donc arrive, alors à ce moment-là, دَعِ الصَّلَاتِ, tu délaisses la prière. الْحَيْضَ ici, c'est la période de menstruation. Lorsque tes périodes arrivent, alors tu délaisses la salat. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc ici, on a la première situation que le cheikh, il cite. La première situation connue, c'est la femme qui connaît la période de ses menstrues. Elle a déjà cette habitude, c'est à la fin du mois, ou au début, ou au milieu, elle connaît. Et elle sait combien de temps ça dure. C'est régulier chaque mois, depuis des années, et c'était comme ça avant d'être touchée par les métrorragies. Et donc elle connaît. Si elle a cela, si cette femme est dans ce cas-là, elle se base sur cette connaissance qu'elle a de ses anciennes menstrues ou de ses menstrues qu'elle avait avant les métrorragies, et elle applique cela pendant cette période de métrorragie qu'elle a et qui la dérange. Tayyib, la deuxième situation, l'auteur il nous dit El halatu thaniya. La deuxième situation, Iza lam yakun laha adatun ma'rufa. لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا. Et donc il dit la deuxième situation, c'est la situation de la femme qui ne, elle n'a pas une habitude connue. Cependant, son sang va avoir des caractéristiques spécifiques et distinctes. Et donc, parfois, le sang va avoir les caractéristiques des menstrues. Il va être noir, épais, avoir une certaine odeur. Et d'autres fois, le sang va avoir, ne va pas avoir les caractéristiques des menstrues. Ça sera un sang rouge, avec donc qui n'a pas une odeur spéciale, ou du moins qui n'a pas l'odeur des menstrues, pas une odeur forte, et qui n'est pas épais. Ce n'est pas un sang épais. Et donc, à ce moment-là, que se passe-t-il ? Donc cette femme, elle n'a pas les mêmes habitudes qu'on a dans le même cas. Cette femme, elle ne sait pas si d'habitude ses menstrues, elles arrivent en début du mois ou en fin du mois, ou si ça dure 8 jours ou 5 jours, ça change à chaque fois, etc., etc. Elle ne sait pas. فَهَذِهِ هِيَ الْحَالَةُ نَمْ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةُ تَعْتَبِرُ الدَّمُ الَّذِي يَحْمِلُ صِفَةَ الْحَيْضِ حَيْضًا وَتَجْلِسُهُ وتدعو الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضة وتغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا. Et donc dans ce cas-là, dans cette situation, cette femme-là, elle va considérer le sang qui a les caractéristiques des menstrues comme étant le sang des menstrues. Durant cette période, elle va alors patienter et attendre et délaisser la prière et le jeûne durant cette période. Et l'autre forme de sang, qui n'a pas ces caractéristiques-là, elle va les considérer comme étant donc le sang des métrorragies. Parce qu'elle arrive à distinguer tel sang a telle caractéristique, tel sang a telle caractéristique. Elle arrive à distinguer. Elle n'a pas les périodes connues, mais elle arrive à distinguer le sang. Et donc, le sang des métrorragies arrive, et donc, elle reconnaît ici la fin de ses menstrues. À ce moment-là, elle va prier, jeûner, et se considérer comme étant pure, même si elle a le sang qui continue à couler, c'est le sang des métrorragies. La preuve de cela, elle nous dit, « Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, li Fatimata binti Abi Jahsh, idha kana damu al-haydi, فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. Et donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Fatima bint Abi Jahsh, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, et donc lorsque c'est le sang des menstrues. Donc ici, elle distingue le sang. Lorsque c'est le sang des menstrues, certes, celui-ci, il est aswad, il est noir et connu. Aswad, il est noir et reconnu. À ce moment-là, tu délaisses la prière. Mais lorsque c'est l'autre sang, donc là, elle reconnaît le sang. Lorsque c'est l'autre sang, à ce moment-là, tu fais tes ablutions et tu pries. Tu accomplis la prière apportée par Abu Daoud al-Nasa'i et authentifié par Ibn Hibban ainsi que Al-Hakim. Ici, le cheikh, il nous cite une information supplémentaire. Il nous dit « Fihi an al-mustahaba ta'tabiru sifat ad-dam fatumayyizu biha bayna al-haydi wa ghayrihi. » Et donc ici, le cheikh, donc, il nous dit que la femme qui est touchée par les métrorragies, elle va prendre en compte la caractéristique du sang. Les caractéristiques du sang, du moins. Et donc, au début, la première situation, qu'est-ce que la femme prenait en compte pour savoir si elle doit prier ou pas ? Elle prenait en compte les périodes qu'elle avait qui étaient connues. Deuxième situation, deuxième cas, qu'est-ce qu'elle prend en compte ? Elle prend en compte le sang en lui-même, car elle arrive à distinguer. À ce moment-là, cette femme prend en compte le sang. troisième situation. Il nous dit le cheikh, Hafizahullah Ta'ala, إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالبا الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر لأن هذه عادة غالب النساء. Et donc il nous dit, le cheikh Hafizahullah, lorsque la femme, elle n'a pas de période connue pour ses menstrues, ni de durée connue pour ses menstrues, et elle n'a pas de caractéristique du sang connue par rapport à ses menstrues, pour faire la distinction entre le sang des menstrues et l'autre sang, à ce moment-là, cette femme va attendre durant la durée qui est connue et propagée chez les femmes, qui touche le plus de femmes. Cette durée qui est de 6 ou 7 jours. Cette femme-là donc va délaisser la prière et le jeûne, donc 6 ou 7 jours durant le mois. Donc c'est elle qui choisit, 6 ou 7 jours durant le mois. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'habitude de la majorité des femmes. C'est ce qui est répandu chez la majorité des femmes, que ça soit 6 ou 7 jours. Et ceci en nous basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Hamna bint Jahsh, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, innama hiya raqdatun min ash-shaytan. Fatahidi sittata ayyam aw sab'ata ayyamin thumma ightasili fa idha istanqayti فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء رواه الخمسة وصححه الترمذي. Et donc ici, le cheikh il nous cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, certes, donc il dit concernant les métrorragies, certes ceci vient du diable. Alors ta menstrue, donc ta période, tes menstrues du moins, excusez-moi, alors tes menstrues sont de 6 jours ou 7 jours, puis tu te laves, puis tu fais la douche rituelle. Et lorsque tu t'es purifié, et donc à ce moment-là, tu vas prier durant 24 jours ou 23 jours. Et tu vas aussi jeûner et prier, et cela te suffit. Et c'est ainsi que tu dois faire, comme le font les femmes, comme le font les femmes durant leurs menstrues. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que les femmes durant leurs menstrues, majoritairement, bien sûr, ce ne sont pas toutes les femmes, il y a des femmes qui sortent vont sortir de cette généralité, mais majoritairement, les femmes, elles vont avoir leur menstrue durant 6 ou 7 jours. والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها والمتميزة ترد إلى العمل بالتمييز والفاقدة لها والفاقدة لها تحيض ستة أو سبعا. طيب, et donc le cheikh il nous dit, en résumant tout ce que nous avons dit précédemment, El Mu'tada, donc la femme qui a une habitude précise et connue, cette femme-là va se baser sur son habitude. La femme qui arrive à discerner et à distinguer les deux types de sang va se baser sur la distinction qu'elle a. Et la femme qui n'a ni l'habitude ni la capacité à distinguer, elle va donc avoir ses menstrues, elle va donc choisir 6 ou 7 jours par rapport à ses menstrues. Et voilà, donc en résumé, ce qui a été dit. وَفِي هَذَا جَمْعٌ بَيْنَ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ الْوَارِدَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْتَحَابَةِ. Et c'est ainsi qu'on va rassembler les trois sunans qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la femme qui a les métrorragies. Parce que vous voyez que à chaque fois le cheikh, il nous citait des paroles du prophète sur chacun de ces trois cas. Et donc, comment on fait pour rassembler ces trois paroles du prophète à chaque fois? Eh bien, on va considérer qu'il y a trois cas différents concernant la femme qui est touchée par les métrorragies. Ensuite, le cheikh, il nous cite ici une parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Tarahimahullah. Quand le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Tarahimahullah, wa l'alamat allati qila biha sittun. Imma l'ada, fa inna l'ada akwa l'alamat, li anna l'asla meqamu l'haydi duna ghaydihi, wa imma t'tamyiz. Li anna d'dam l'aswad wa s'akhin, والمنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها وقال في النهاية وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة. Et donc il dit, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, les signes qui ont été désignés, qui ont été cités pour définir la période de menstrue ou l'autre, sont du nombre de 6. Il y a 6 signes qui ont été cités par les gens de science. En ce qui concerne Al-Ada, donc le fait d'avoir une habitude connue, alors certes, l'habitude connue est le plus fort des signes. L'habitude connue est le plus fort des signes. Parce que la base est qu'on se base sur la durée des menstrues, la période des menstrues, et qu'on ne se base pas sur un autre. Ensuite, le deuxième signe, il y a Tamiz, le fait de distinguer. Car, donc, le sang qui va être noir, épais, et donc qui va avoir une certaine odeur, ce sang-là est prioritairement le sang des menstrues, que il passe, donc il, ce sang-là va mériter, il mérite plus d'être considéré comme étant le sang des menstrues que le sang rouge. Et enfin, le troisième signe, qui est le signe, donc le fait que cette femme va être... Va prendre en compte ce qui est le plus connu chez les femmes, car la base, c'est que celle qui donc se distingue des autres, elle fard yulhaku bil a'am il arleb, celle donc qui n'a pas d'habitude connue, on va donc la faire rejoindre donc l'habitude de la majorité de ce qui est le plus répandu. Et ensuite, le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a cité d'autres signes que Cheikh Al-Fawzan n'a pas cité ici, de manière intentionnelle. Et le Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, et à la fin, après avoir cité tous les signes, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et le plus juste de toutes ces paroles, de tous ces signes qui ont été cités, c'est qu'il faut prendre en compte les signes qui ont été rapportés dans la Sunna, et le fait de ne pas prendre en compte tous les autres signes. Et voilà pourquoi le Cheikh Al-Fawzan, il n'a cité que 3 signes sur les 6, car les autres n'ont pas été cités dans la Sunna. Ici, il y a un petit commentaire, parce que les savants, ils ont divergé concernant la base. Ici, Cheikh Al-Islam, il nous dit, la base, c'est qu'on se base, on va d'abord se baser sur la période des menstrues. Ici, il y a une divergence entre les savants. Certains savants voient qu'on va d'abord se baser sur le sang qu'on arrive à distinguer. Pourquoi? Parce que le sujet des menstrues concerne le sujet du sang. Donc si déjà on arrive à distinguer le sang, eh bien c'est sur ça qu'on se base. C'est pas sur la période des menstrues. Parce qu'il se peut qu'une femme, elle ait des périodes de menstrues, et qu'ensuite ça change, que sa période de menstrues se décale. D'une année à une autre, ou etc. Mais si la femme, elle arrive à discerner tel type de sang d'un autre, on se base sur ce discernement, car c'est la base. Ce sujet concerne le sujet du sang. Et effectivement, cet avis, il est fort. C'est que la base, l'avis, le signe le plus fort concernant les 3 cas qu'on a vus, c'est le fait d'arriver à distinguer le sang. Et ensuite, le cheikh qui nous dit, donc pour finir cela, donc, mayalzamu al-mustahada fi halil hukmi bi taharatiha. Qu'est-il obligatoire à la femme touchée par les métrorragies lorsqu'elle est donc considérée comme étant pure? Donc, lorsqu'elle est considérée comme n'ayant pas ses menstrues. Awalan yajibu alayha an tartasila inda nihayati haydatiha al-mu'tabara. Premièrement, il lui est obligatoire à cette femme de faire la douche rituelle à la fin des menstrues qui ont été déterminées, comme cela a été cité précédemment. Donc il lui est obligatoire de prendre la douche rituelle. وتشد عليها ما يمسكه عن السقوط ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. Et donc, deuxièmement, la femme, elle va donc laver ses parties. Elle va laver ses parties pour enlever tout ce qu'il y a, donc à l'extérieur, tout ce qu'il y a, donc pour chaque prière. Elle va laver ses parties pour enlever tout ce qu'il pourrait y avoir sur ses parties, et cela pour chaque prière, elle lave ses parties. Et elle va mettre donc sur ses parties du coton ou autre qui va empêcher donc à ce qui pourrait sortir de sortir. Et elle va donc renforcer cela avec un élément, avec quelque chose qui va empêcher au coton de tomber, de partir. Puis cette femme, elle va faire ses ablutions pour chaque prière. Elle fait ses ablutions au début du temps de chaque prière. Et donc c'est ainsi qu'elle doit faire la femme touchée par les métrorragies pour chaque prière. Ceci en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la femme touchée par les métrorragies. Il dit Tad'u salat ayyama aqraniha thumma tartasilu wa tatawadda'u 'inda kulli salat. Et donc elle va délaisser la prière durant les jours de menstrues des femmes comme elle. Puis elle va se laver et faire ses ablutions pour chaque prière. Il y a une divergence entre les ulémas. Est-ce que la femme, elle doit faire sa douche rituelle pour chaque prière? Non, l'avis le plus juste, il n'y a pas de réelle preuve concernant ce sujet. L'avis le plus juste, barakallahu fikoum, c'est que la douche rituelle, c'est juste à la fin des menstrues. Et ensuite, après la femme, elle n'a que ses ablutions à faire. La purification des parties intimes et les ablutions à faire pour chaque prière. Et donc ce hadith que le cheikh il nous cite, rapporté par Abu Daoud ibn Majah Tirmidhi, qui a dit que le hadith est hassan, correct. Ensuite, le cheikh qui nous cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « An'atu laki al-kur soufa tashina bihi al-makan » Et donc, ici, je te conseille, je te recommande le coton que tu vas utiliser pour donc nettoyer, recouvrir le lieu. Le lieu, donc, c'est-à-dire tes parties. Et ensuite, le cheikh qui nous dit « Wayum kinu istirmel al-hafa'id al-tibbiya afwan al-hafa'id al-tibbiya al-mawjoudat al-an » Et donc, il nous dit qu'il est possible d'utiliser donc ici les serviettes justement que les serviettes hygiéniques que les femmes utilisent à notre époque. Il dit que cela est tout à fait utilisable. Et voilà donc pour le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, concernant le sang des métrorragies. Et donc on continue la semaine prochaine bi'idhnillahi ta'ala concernant le sang des loshi. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.